Yeah man, hey. Money. Parce qu'il faut de la maille pour s'en sortir. Money. Tu viens d'ici ou d'ailleurs? Y'a que la maille qui maille. Y'a la monnaie qui pèse. Faut de la maille. Faut de la maille. Faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille. J'veux de la maille, en gros, du pèse, du flouze, des euros. Quelques dollars de plus, faut pas terminer KO. J'veux de la maille comme ces gens qu'on voit en vidéo. Histoire de dire que j'ai pu remplir un peu mes chapeaux. Seulement j'veux pas terminer comme un KI dans le ghetto. Mais faut des sous pour pas terminer dans le caniveau. Ne prends pas mes paroles en l'air même si j'fais le beau. Tu peux vite te retrouver derrière les barreaux. Car on le bassine dès que t'es jeune avec la monie. On te dit que le monde tourne grâce à l'économie. Que tous les chemins mènent à Rome et à Wall Street aussi. T'as intérêt à faire ta part si tu veux rester en vie. Car pour manger, faut de la maille. Et pour te loger, faut de la maille. Et pour te laver, faut de la maille. Et pour rouler, faut de la maille. On m'a dit faut taffer pour la maille. Ou bien dealer pour la maille. Y'en a qui tuent pour la maille. D'autres font l'amour pour la maille. Personnellement, si je veux de la maille, je te passe les détails. Il faut que je sois fort, il faut que je sois big, il faut que je sois de taille. Mec, tu m'as vu même pour un Big Mac, ma banque déraille. Quand je te crédit ta carte bleue, tout tourne à tirail. Je suis pas loin de péter les plombs, à dire bye bye. Assez stress, c'est paillettes, tous ceux qui se prennent des rails. Sarkozy, story, c'est du live, vivement la fin du bail. Venez avec moi, mes frères et sœurs, moi je me taille. One, on style, three, on style. Faut de la maille, faut de la maille. Faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille. Faut de la maille, faut de la maille. Faut de la maille, faut de la maille, faut de la maille. Sinon dans ce système t'es die.